Voulez-vous que je vous parle d'amour ? Monsieur X avait un curieux sourire ce soir-là. J'étais en retard, il devait m'attendre depuis un bon quart d'heure. Mais il ne manifestait aucune impatience. Dès que j'étais installé, il a repris un peu rêveur. Elle s'appelait Éléonore, mais son nom de code était Lola. Il a répété Lola, comme Lola Montes. Et puis, il a ajouté de façon assez surprenante « Vous savez pourquoi j'ai pensé à elle ?» Parce que par hasard, j'ai entendu une chanson à la radio. Les histoires d'amour finissent toujours mal. Vous connaissez ? J'ai fait oui. Et il m'a dit encore, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite pensé à elle, Éléonore, Lola. Lola, donc. Ou plutôt, Éléonore. Comme d'habitude, après avoir enregistré ce nouvel entretien avec mon interlocuteur, j'ai effectué quelques recherches afin d'infirmer ou de confirmer son récit. Et j'ai d'abord trouvez cet article du journal Le Monde, paru en 1967, reprenant une dépêche de l'AFP. Je vous le lis tel quel. Bonn, 16 octobre. Un nouveau réseau d'espionnage travaillant au profit de l'Union soviétique vient d'être découvert au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Une secrétaire, dont le nom serait Éléonore Sutherlin, employée depuis plusieurs années au service du personnel du ministère, son mari et trois autres personnes ont été arrêtées dans le courant de la semaine, a révélé dimanche un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le mari d'Éléonore Sutherlin, photographe de presse, aurait été envoyé à Bonn par les soviétiques avec mission d'entrer en contact avec une secrétaire ayant un poste important et de l'épouser. Le couple aurait commencé ses activités d'espionnage en 1962. La découverte de ce réseau d'espionnage a été rendue possible grâce aux révélations faites par un agent soviétique passé au service des Américains. Voilà donc, dans toute la sécheresse d'une dépêche d'agence, un résumé de l'histoire d'Éléonore Sutherlin, la Lola de M. X. Mais, vous allez le constater, son aventure est plus complexe, plus dramatique aussi, et comporte encore aujourd'hui beaucoup de zones d'ombre. En tout cas, je peux vous le dire tout de suite, d'après mon interlocuteur, le dossier Sutherlin dissimule une entreprise de pénétration autrement plus considérable. Dans un instant, le récit de M. X. C'était son plaisir vicieux. Elle montait bien, elle montait fort, de ce style infect qu'elle adore. Avec soin, elle montait à mort. Voyez maman en plein effort. Dans ma chair, dans mes mouvements, indélébile au fil des ans. Du côté de chez ma mante, je me souviens de son visage gracieux. Elle a osé, elle m'enfante par un agissement. Oh Dieu! Elle montait bien, elle montait fort, de ce style d'insecte qu'elle adore. Avec soin, elle mentait à mort. Voyez maman en plein effort. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. On dirait, à vous entendre, que vous avez connu personnellement Éléonore Sutherlin. Mais au risque de vous décevoir, je suis obligé de vous répondre par la négative. Non, non, j'ai pas connu Lola. Et pourtant, curieusement, j'ai l'impression de l'avoir rencontrée, tellement j'ai étudié minutieusement sa vie et sa mort. Attendez, pourquoi vous êtes-vous intéressé à elle ? Un peu par hasard. Parce qu'en même temps qu'elle, des Allemands travaillant pour l'ambassade de France à Bonn ont été arrêtés. Qui ? Un maître d'hôtel, son épouse et son beau-père. Du menu fretin ? Pas tant que ça. Un maître d'hôtel peut entendre beaucoup de choses. Sans compter que le beau-père de ce type, qui travaillait en tant que serveur indépendant, avait une spécialité inavouée. Il était expert en système d'écoute. Tiens. Et comme il circulait dans les hôtels internationaux, les salles de conférence et même au domicile de quelques hautes personnalités allemandes, il pouvait faire des dégâts. Mais vous avez raison, à côté d'Éléonore Sutherlin, c'était vraiment pas de chose. Alors, revenons à votre Éléonore. Il y a des clichés qui ont la vie dure. Si une femme trahit, c'est forcément une matahari, qui n'a livré que des miettes au service allemand et qui a été fusillé pour l'exemple. Ouais, pas très joli. Ouais. Parce que l'opinion, pendant cette abominable guerre de 14, réclamait des têtes. Mais si nos généraux cafouillaient, il y avait bien une raison, non ? Enfin, bon, je m'égare. Oui, un peu. Ouais. Et si vous permettez, avant de vous raconter qui était cette jeune femme... Éléonore. Oui, je voudrais quand même vous parler de l'homme qui l'a dénoncée. Et étrangement, là aussi, il y a une histoire d'amour. Ah, décidément. Eh oui, les espions sont des hommes et des femmes comme les autres. Et les services secrets, enfin tous les services secrets le savent bien. Parce qu'ils en jouent. Naturellement. Mais il leur arrive aussi de ne pas s'en méfier suffisamment. Juste retour de bâton. C'est ce qui est arrivé dans le cas du KGB Yevgeny Runge. Je vous explique. Runge était un brillant élément, un Allemand, mais né en Ukraine. Donc un type qui se retrouve soviétique après la guerre. Oui, oui. Et très vite, parce qu'il est intelligent et qu'il parle parfaitement l'allemand, il est recruté par le KGB. Pour empirer en Allemagne de l'Ouest. Bien sûr. Après un solide entraînement, il débarque là-bas sous le nom de Willy Gast. Mais il n'est pas seul. On lui adjoint une compagne. Collaboratrice ? Non, j'ai dit une compagne, c'est-à-dire qu'on le marie en quelque sorte. Ah oui, mais pour quelle raison le KGB n'a pas confiance en lui ? Un peu de surveillance n'a jamais fait de mal à personne. Puis disons qu'un couple attire moins l'attention qu'un célibataire. Mais c'est une femme pour rire, mais c'est qui cette femme-là ? Une certaine Valentina, une jeune et séduisante berlinoise qui a été la maîtresse d'un des chefs de Runge. C'est très délicat de la part du KGB. Comme vous dites, oui. Donc Runge et sa pseudo-épouse s'installent d'abord à Cologne. Et ils font discrètement leur métier d'espion. Apparemment, ce sont d'honnêtes commerçants. Mais en réalité, ils commencent à approcher des gens, à constituer un réseau. Et Runge, incontestablement, est doué, puisque le KGB ira même jusqu'à le décorer de l'ordre de l'Étoile Rouge. Enfin, là n'est pas le plus étonnant. C'est quand même important, l'Étoile Rouge. Hein. Enfin, racontez. Eh bien, Valentina et Yevgeny ne tardent pas à tomber amoureux l'un de l'autre. Ah, c'est quand même extraordinaire, parce que... Ils ne s'étaient pas choisis, c'est bien. Non, hein? Au départ, ils obéissaient aux ordres. Mais que voulez-vous, la promiscuité aussi peut engendrer l'amour. Et cette histoire d'amour non prévue, qu'est-ce que ça change ? Sur le moment, pas grand-chose. Le KGB n'a rien à dire, tant que le couple Runge est efficace. Et en effet, je vous l'ai dit, les deux tourtereaux sont des espions modèles. Mais on va y revenir. Seulement, Valentina, un jour, s'aperçoit qu'elle est enceinte. Et là, les Runge, appelons-les comme ça, commencent à paniquer. Je comprends pas. Je vous explique. Le KGB, pour tenir ses agents à l'étranger et les dissuader de faire défection, a l'habitude de récupérer leurs enfants qui sont élevés à Moscou. Donc, Valentina et Yevgeny se disent... Pour tenir les parents. Oui, oui, absolument. Ouais. Lorsque notre enfant va naître, on va nous le prendre. Donc ils sont tentés de rompre, je sais pas, de fuir. Non, pas tout de suite, car le KGB, bon prince, ne réclame pas l'enfant. Valentina et son compagnon sont soulagés, et ils n'en travaillent que mieux. Mais en 1967, ils sont tous les deux rappelés à Moscou. Mais pourquoi ? Il y a une raison ? Rien d'anormal, la routine. Quand un agent est en poste depuis très longtemps, on le rappelle avant qu'il ne soit brûlé. Donc les Runge font le voyage de Moscou avec leur enfant, je présume. Oui. Et là, juste récompense pour leur travail en Allemagne, ils bénéficient de tous les avantages de la nomenclature. Datcha, vacances au bord de la mer Noire, etc. Mais ça n'a qu'un temps. Bientôt, on informe le colonel Runge de sa nouvelle affectation, les États-Unis. Ce qui doit lui apparaître comme une promotion. Hein. Bien entendu. Toutefois, il y a un hic. Runge et Valentina vont partir, mais leur fils restera en URSS où il sera élevé dans une école spéciale réservée aux dignitaires du parti. Et soudain, Valentina craque. Si on me sépare de mon fils, je me tue. Et c'est ainsi que les Runge, père, mère et enfant, vont passer à l'ouest. Pas facile ça, comment vont-ils? Honnêtement, je ne sais pas. Sans doute en utilisant des faux papiers. Après tout, Runge devait savoir y faire. En tout cas, un beau jour du début octobre, les Runge se sont présentés à l'ambassade américaine à Berlin-Ouest et ils ont demandé l'asile politique. Un asile facilement accordé? Quand un colonel du KGB formule ce genre de demande, on n'hésite pas bien longtemps. Et quelques heures plus tard, un avion militaire affrété par la CIA décollait direction Washington. Où selon les meilleures traditions, le colonel Runge a été débriefé. Oui, et Runge, contre la promesse d'un nouvel état civil et d'une situation aux États-Unis, a parlé. Malheureusement pour Eleanor Sutherland, mais avait-il le choix? En tout cas, en Allemagne, où le contre-espionnage a été aussitôt alerté, cette confession d'un ex-colonel du KGB a fait l'effet d'une vraie bombe. Yevgeny Runge, 41 ans, colonel du KGB, fait défection au mois d'octobre 1967. C'est un gros poisson pour la CIA qui, en l'interrogeant, découvre l'ampleur de la pénétration soviétique en Allemagne de l'Ouest. Les autorités de Bonn sont immédiatement alertées et les réseaux de Runge vont être progressivement démantelés. Nous allons y venir bientôt avec la suite du récit de M. X. Mais les soviétiques, comment ont-ils réagi? Eh bien, avec beaucoup de célérité, et surtout avec une telle véhémence que celle-ci, à l'évidence, trahit non seulement leur embarras, mais leur fureur, et donc, indirectement, l'importance du colonel Runge. En effet, dès le 25 octobre, une semaine seulement après la révélation publique de la défection de Runge, l'agence est-allemande ADN publie un communiqué qui affirme que le transfuge n'est pas un agent communiste allemand. C'est au contraire un criminel de guerre nazi. Bien entendu, les Allemands de l'Est et les Soviétiques n'apporteront aucune preuve permettant de confirmer cette assertion. En tout cas, cette violente accusation est suivie presque aussitôt de l'annonce de la condamnation à mort par contumace du colonel Runge. Une nouvelle preuve que le transfuge a provoqué de gros dégâts dans l'organisation soviétique du renseignement en Allemagne. Il est peut-être temps de parler d'Éléonore. Éléonore, oui. Éléonore Hens. Pas vraiment jolie, mais du charme. Menue, compétente, sérieuse, très sérieuse. Je dirais presque farouche. Oui, ses amis, ses collègues ont tous parlé de sa froideur apparente. Apparente. Oui, car je suis persuadé que c'était une sorte de protection. Vous comprenez, Éléonore avait vécu quelques déceptions. Sentimentales. Exactement. Ça l'avait sûrement marqué. C'est pour cette raison qu'Éléonore, qui approchait de la quarantaine, était toujours célibataire. Sorte de vieille fille. Oui, si vous voulez. Encore, je n'aime pas beaucoup cette expression, surtout lorsqu'elle est appliquée à Éléonore Hens. Vous en parlez vraiment avec une certaine sympathie. Parce que c'est une victime, la victime d'un système odieux, criminel. D'accord. Alors, parlez-moi de ce système. Bon, une seconde. Quand cette histoire lamentable commence, Éléonore Hens occupe un poste moyennement important au ministère allemand des Affaires étrangères. Quand vous dites moyennement important? Secrétaire. Elle appartenait au cabinet d'un directeur. Je vous l'ai dit, ce petit bout de femme était vraiment compétente. Et dans ses fonctions, elle avait normalement accès à des informations très confidentielles et secrètes. On y vient. Oui, un soir de 1959 ou 60, je ne sais plus, on frappe à sa porte. Éléonore, intriguée parce qu'elle ne reçoit guère, se décide à ouvrir. Elle découvre un homme d'une trentaine d'années, assez séduisant. Mais ce qu'il distingue, surtout à cet instant, c'est qu'il a un magnifique bouquet de roses à la main. « Bonjour madame, je voudrais parler à mademoiselle Éléonore Hens. »« Mais je suis Éléonore Hens. » L'homme semble tomber des nues. Il se lance dans une explication alambiquée où il apparaît que la veille, il a rencontré une jeune fille du nom d'Éléonore Hens et qu'elle lui a donné rendez-vous à cette adresse. Donc à ce moment-là, si je me mets à sa place, il doit prétendre qu'il a été victime d'une plaisanterie. Bon, c'est pas très fin comme méthode de drague, si vous me permettez. Je vous laisse seul juge. En tout cas, le bonhomme a su si bien piquer la curiosité d'Éléonore que celle-ci lui permet d'entrer chez elle et que bientôt elle va lui offrir un café. Non, ça va vite, hein. Mais et les roses? Bah, il les offre tout naturellement à Éléonore, afin de se faire pardonner d'ailleurs. Doit-il lui dire, n'ayez crainte, je suis un garçon sérieux, enfin bref, vous imaginez. Votre Éléonore est quand même un peu naïve, non? Naïve, je ne sais pas. Seul, oui. Terriblement seul. Et tout à coup, cet homme, plutôt joli garçon, qui rentre par hasard dans sa vie, il y avait de quoi affoler une femme comme Éléonore. Bon, affolée, la suite, vous la devinez. Ouais, enfin, après la tasse de café, il y a eu une invitation à dîner, ce qui suit souvent après un bon repas entre deux adultes de sexe opposé. De sexe opposé, pas forcément, mais attention, politiquement correct. Hein. D'accord, je n'ai rien dit. Mais moi, je persiste quand même à penser que la petite femme si sérieuse est tombée facilement dans le piège. Pourtant, elle a fait preuve de prudence. Mais comment? Eh bien, sachant qu'elle travaillait dans un département où elle avait accès à des informations secrètes, elle a averti le service de sécurité du ministère de sa liaison avec Sutherlin. Vous voyez qu'elle n'était quand même pas si naïve que cela. Peut-être, mais alors ça a donné quoi, ce signalement au service de sécurité? Il y a eu une enquête sur l'homme au bouquet de roses. On a découvert que ce Hens Sutherlin était photographe, qu'il avait combattu pendant la guerre dans la Wehrmacht, et qu'il était irréprochable. Donc rien ne s'opposait à ce que Éléonore et lui filent le parfait amour. Non, mais d'après ce que vous avez dit, l'enquête a été vraiment sérieuse? Il y a tout lieu de le croire. Les Allemands ont la réputation justifiée d'être des gens rigoureux. Ça, c'est vrai. Mais alors, autre point, Éléonore était réellement amoureuse? Follement, oui. À presque 40 ans, c'était d'un seul coup le bonheur qui déferlait sur elle. Un bonheur fou, inespéré, un bonheur visible. Tous ses amis, ses camarades de bureau en ont témoigné ensuite. Éléonore n'était plus la même. Elle souriait, elle se confiait. Elle semblait même presque jolie. Presque jolie. Ouais. Et quand Sutherlin, qui paraissait très amoureux, lui aussi lui a proposé le mariage, Éléonore n'a pas hésité une seule seconde. Ben, il serait peut-être maintenant temps de me parler un peu plus longuement de ce Sutherlin, du vrai Sutherlin en tout cas. Vous avez raison. Hens Sutherlin, mais là je ne vais pas vous surprendre, n'était pas un personnage très estimable. C'était C'est, parce qu'il est peut-être toujours en vie, on n'en sait rien, un type cynique, profondément immoral. Je ne dis pas ça parce qu'il travaillait pour les communistes, mais parce que c'est la vérité. C'est peut-être un peu pour ça qu'on l'a recruté. Sans aucun doute, parce qu'il fallait n'avoir aucun scrupule pour faire ce sale boulot. Et comment a-t-il été recruté ? Pendant la guerre, Sutherlin avait été blessé. En 1945, il s'est retrouvé, comme beaucoup d'autres anciens combattants allemands, désemparé, sans ressources. C'est alors qu'il a décidé de se lancer dans la photographie. À l'est ou à l'ouest ? À l'ouest, à Berlin-Ouest, exactement. Et Sutherlin n'était pas dénué de talent, sur ce plan-là au moins. Il a commencé par travailler dans des maisons d'édition, des magazines. C'est ainsi qu'un agent du HVA, le service des renseignements de la RDA, l'a remarqué. À cause de ses talents de photographe ? Oui, un photographe, ça peut aller partout, ça peut fouiner sans trop attirer l'attention. Et il a accepté tout de suite de travailler pour l'Est ? Tout de suite. Pourquoi ? Il était sympathisant communiste ? Absolument pas, il s'en fichait. Ce qu'il a vu, c'était une bonne occasion de gagner de l'argent. Et ça a été un bon agent ? D'après ce que nous pouvons savoir, pas mal, oui. Sutherlin était une crapule, mais il avait le chic pour s'introduire dans à peu près tous les milieux. Et puis je vous l'ai dit, il était plutôt beau garçon. Si tous les espions devaient être beaux, hein ? C'est juste. Mais dans le cas de Sutherlin, c'est important, parce qu'il a été ensuite repéré par ses chefs pour faire partie de l'opération secrétaire. Opération secrétaire, de quoi voulez-vous parler, là ? D'une opération montée par la HVA en étroite collaboration naturellement avec le KGB. L'objectif, assez effarant, consistait à repérer systématiquement dans l'administration de la RFA un certain nombre de secrétaires bien placés. Des femmes célibataires ou veuves dont le cœur était à prendre. Il faut dire qu'en Allemagne, il y avait beaucoup de femmes célibataires. À cause de la saignée de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment. Mais pour séduire ces femmes esselées, il fallait aussi recruter un nombre égal d'étalons, si je puis dire. Délicat. Et Heinz Sutherlin était un de ceux-là. Oui. Pour le plus grand malheur d'Eléonore, qui va devenir, à cause de lui, l'agent clandestin Lola, et qui finira par y perdre la vie. On a tous des mots d'amour cachés au fond de soi. Un quai de gare à Cherbourg où l'hôte ne viendra pas. On a tous laissé des larmes dans un hôtel du Nord pour un homme ou une femme qui s'appelait encore. Si tu savais comme je sais, tu l'oublieras jamais. Tu t'en fous de ce que je te dis, je sais, je sais. Arrête de boire, Jojo, tu vas finir barjo pour trois fois moins que rien. On est tous des putains. Arrête de boire, ivrogne, l'Alsace et la Bourgogne. Je vais te dire ce que t'es ce soir, t'es le roi des comptoirs. Y a des moments, tu me fais honte à te regarder souffrir. Allez, demande-leur ton compte. Maintenant il faut partir. Tu vois pas qu'ils se foutent de toi, tous ces petits mecs au bar. Me dis pas que t'es devenu ça, je pourrais pas le croire. Arrête de boire, Jojo, tu vas finir barjo pour trois fois moins que rien. Arrête de boire, ivrogne, l'Alsace et la Bourgogne. Je vais te dire ce que t'es ce soir, t'es le roi des comptoirs. On a tous des mots d'amour cachés au fond de soi. Un quai de gare à Cherbourg où l'autre ne viendra pas. Arrête de boire, Jojo, tu vas finir barjo pour trois fois moins que rien. On est tous des putains. Arrête de boire, ivrogne, l'Alsace et la Bourgogne. Je vais te dire ce que t'es ce soir, t'es le roi des comptoirs. Arrête de boire, Jojo, tu vas finir Monsieur X a appelé ça l'opération secrétaire. Je ne pourrais pas vous confirmer si c'était réellement le nom de code de cette manœuvre de pénétration perpétrée par les services de l'Est, allemands et soviétiques confondus. Par contre, je suis en mesure de vous dire que cette surprenante entreprise a bien existé. Dans le livre de Christopher Andrew et Oleg Gordievsky, ce dernier étant lui-même un transfuge soviétique, livre intitulé « Le KGB dans le monde », j'ai relevé que l'homme qui a inventé puis dirigé cette opération était Marcus Wolf, le patron des services secrets de l'Allemagne de l'Est, un personnage quasi légendaire qui a largement inspiré John le Carré et que les Allemands ont essayé à plusieurs reprises de traduire en justice après la chute du mur, en vain jusqu'à maintenant. Je cite donc Andrew et Gordievsky. L'une des stratégies les plus payantes de Marcus Wolf a été, vers le milieu des années 50, l'offensive des secrétaires, reposant sur la séduction de femmes solitaires entre deux âges, travaillant dans l'administration et qui maniaient des informations sensibles. Parmi les victimes de cette offensive, Irmgard Römer fut l'une des plus célèbres. Cette secrétaire de 44 ans, employée au ministère des Affaires étrangères à Bonn, avait la responsabilité des communications avec les ambassades allemandes dans le monde. Elle fournit des quantités de documents à son amant, Karl Elmers, un illégal du HVA, qualifié de « Casanova rouge » par certains auteurs en mal de sensation après son arrestation en 1958. Pendant les 20 années suivantes, d'autres Casanova rouges envoyés par Marcus Wolf le remplacèrent avantageusement. Il faut observer que Eleonore Hens travaillait aussi au ministère des Affaires étrangères à Bonn et qu'elle avait à peu près l'âge de cette Irmgard Römer. Avant de retrouver M. X, je vous indiquerai simplement que ces mêmes auteurs, Andrew et Gordievsky, affirment qu'en 1958, donc 10 ans avant l'affaire dont nous parlons aujourd'hui, il y avait à peu près 2000 à 3000 agents de l'Est en Allemagne fédérale. Et autant, semble-t-il, attendaient dans la coulisse, dont Suterlin. Un point m'intrigue. Suterlin, pour arriver à ses fins, était-il vraiment obligé de se marier avec Eleonore? L'avoir séduite, ça aurait pu suffire. Non. Non, les gens du KGB sont des perfectionnistes. La personnalité d'Eleonore avait été étudiée. Et on avait jugé que pour gagner la confiance totale de la secrétaire du ministère des Affaires étrangères, totale, il fallait jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au mariage. Mariez-vous, c'est un ordre? Oui, c'est ce que lui a dit son supérieur direct, son officier traitant, le colonel Runge. La mission de Suterlin était claire. D'abord le mariage, et ensuite seulement l'espionnage. Mmh. Une fois la truite ferrée, quoi. Une belle image. Alors, quand et comment Suterlin s'est-il déclaré, si je puis dire? Vous voulez dire quand et comment a-t-il demandé à Eleonore de trahir? C'est ça, hein. Difficile de le dire précisément. Suterlin a dû préparer le terrain, user de faux arguments. En général, nous l'avons déjà vu à propos, par exemple, de l'affaire Roumaine. Les agents communistes commençaient par parler de la paix. Oui, c'est au nom de l'équilibre des forces qu'il fallait, non pas trahir, mais apporter d'indispensables informations aux pacifiques camps socialistes. Oui, c'est à peu près ça. Car la menace de guerre ne pouvait venir, bien entendu, que du côté de l'Ouest. Donc, communiquer ces informations, c'était participer à l'œuvre de paix. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble assez ridicule et pour le moins ingénu. Enfin, il faut se replacer dans le contexte de ces premières années de la guerre froide, où la menace nucléaire était une réalité. Et puis dans le cas précis d'Eléonore, il y avait l'Allemagne. L'Allemagne déchirée, coupée en deux. Vous pensez que Suterlin a pu la persuader qu'il luttait vraiment pour la réunification? Je ne le pense pas, je le sais. Suterlin, c'était une de ses couvertures, appartenait à une organisation qui militait pour la réunification. Mais au fond, il y a surtout l'amour, je vous l'ai dit. Eleonore était passionnément amoureuse. Et comme l'amour rend aveugle? La consciencieuse et méfiante Eleonore n'a pas vu venir le danger. Donc, reprenons un peu l'histoire. Eleonore commence à trahir au profit de son mari. Et peut-être sans se rendre compte qu'elle travaille pour le KGB. Certainement. Ouais. Alors, comment procède-t-elle? Oh, de la façon la plus simple qui soit. Tous les jours, à midi, les inséparables jeunes mariés déjeunaient ensemble. Dans le sac d'Eléonore, il y avait des documents empruntés au ministère. Suterlin les photographiait aussitôt. C'était son métier. Oui. Et les documents reprenaient place dans le sac de la secrétaire. Et un peu plus tard, dans le coffre du ministère. Qui, à l'heure du déjeuner, aurait eu la curiosité de vérifier si telle ou telle pièce manquait? Non. Donc c'était assez bien combiné. La preuve, c'est que ça a fonctionné pendant plus de 6 ans sans anicroche. Jamais un faux pas, jamais une maladresse. Jamais. Pour ses supérieurs, pour ses collègues, Éléonore continuait à être la parfaite secrétaire qu'elle avait toujours été. Simplement, il y avait désormais sur son visage un petit air de bonheur qui faisait plaisir à voir. Et quel genre de documents a-t-elle pu faire passer à Sutherlin ? Les plus variés, des centaines de pièces classées secrets, même quelques dizaines classées secrets d'État. Des rapports sur les réunions et les manœuvres de l'OTAN, d'autres sur le service de renseignement allemand. Ouais, fantastique, enfin. Une moisson considérable, inespérée même. Et tellement inespérée qu'au KGB, on a fini par se méfier. Se méfier de quoi ? Eh bien, aussi incroyable que... Oui, l'abondance même de la moisson qui est apparue soudain comme suspecte. Trop, c'est trop. Oui. Et comment était-il possible que cette secrétaire ait accès à tant de documents ultra-secrets ? Bon, vous savez, le soupçon est un mal qui ronge en permanence les services de renseignement. Est-ce que je vole des informations à mon adversaire ? Ou est-ce que c'est ce dernier qui feint de se laisser voler pour mieux m'intoxiquer ? Éternelle question sur laquelle planchent en permanence des dizaines et des dizaines d'analystes. Dans ce métier, on devient facilement paranoïaque. J'ai l'impression que vous parlez pour vous. Enfin bref. Mais dans le cas précis des époux Sutherlin, qui a été soupçonné, Éléonore ? Non. Ni elle, ni lui. Mais le KGB a fini par penser que si Éléonore avait accès à tant de documents, c'est qu'au ministère, quelqu'un se débrouillait habilement pour les lui mettre sous les yeux, vous comprenez ? À peu près, à peu près. Et ce soupçon entraînait forcément 2 conséquences. Premièrement, le matériel fourni par les Sutherlin devait être considéré comme pouvant faire partie d'une manœuvre d'intoxication de l'Ouest. Donc c'était un mélange de demi-vérité et de vrais mensonges. Deuxièmement, les Sutherlin avaient été découverts. Conclusion logique, il fallait rompre avec eux au plus vite. Et c'est ce que le colonel Runge, sur ordre direct de Moscou, a annoncé à Sutherlin. Terminé. On rompt tous les contacts. Mais la vérité, la vraie vérité... La vérité, c'est que les soupçons du KGB étaient parfaitement infondés. Avant la défection du colonel Runge, les Sutherlin n'avaient été à aucun moment repérés. Vous êtes vraiment sûr ? Tout à fait. La meilleure preuve, c'est qu'après la découverte du réseau Runge et l'arrestation des époux Sutherlin, les services de l'OTAN et le ministère des Affaires étrangères de la RFA ont été obligés de changer leur code secret. Car dans ce domaine aussi, Éléonore, si je puis dire, avait fait un excellent travail. Décidément, elle était aussi consciencieuse dans la trahison que dans son travail. Et on ne se refait pas. Mais si je vous suis bien, quand le réseau a été démantelé, les Sutherlin étaient donc... hors course, oui. Même pour le KGB. Oui. Et c'est un des paradoxes de cette affaire. Runge, lorsqu'il est passé à l'Ouest, a d'abord dénoncé des espions désactivés. Et vous avez une explication là-dessus ? Certainement. Et pour comprendre, il faut se mettre dans la peau d'un transfuge. Son trésor, son capital, c'est la masse d'informations qu'il détient, d'accord ? Ah, ça, c'est... Oui, je comprends ça. Oui. Alors ce type, surtout quand il est du calibre de Runge, ne va pas dilapider son capital en une seule fois. Non. Il va faire durer le plaisir afin d'obtenir le maximum d'avantages. Le maximum de sécurité aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec Runge. Il donne d'abord le nom des époux Sutherlin, parce que c'est en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. Mais il garde des cartes dans sa manche. D'autres espions ? Oui. Un réseau encore plus important, infiltré au plus haut niveau de l'administration allemande. Et le colonel Runge ne livrera le secret de l'existence de ces espions qu'en dernier lieu, lorsqu'il aura obtenu tout ce qu'il pouvait espérer obtenir des Américains. Une sorte de marchandage, chantage... On va appeler ça comme vous voudrez. Ouais. Alors, parlez-moi de cet autre réseau encore plus conséquent. Il était si important qu'on n'en a presque pas parlé. Pourquoi ? C'est toujours humiliant de reconnaître qu'on a été trompé à un si haut niveau. On peut bien rendre publique la trahison d'une secrétaire. Mais quand il s'agit de ministres ou de généraux, c'est une autre paire de manches. Enfin, toutefois, si vous cherchez bien, vous trouverez peut-être dans la presse quelques informations... Mettez-les bout à bout et peut-être vous finirez par comprendre. Et vous ne voulez pas en dire plus, hein ? Non. Non. Ah bon. Alors, revenons une dernière fois à Éléonore. Après la défection de Runge, elle est donc arrêtée. Oui. Et pour elle, d'un seul coup, le monde s'écroule. Parce qu'elle découvre la vérité. Sutherlin ne l'a épousée que pour l'obliger à trahir. Et soudain, elle se rend compte que son amour, son grand amour, n'a jamais existé. Le choc est terrible. À quoi bon vivre encore ? 4 jours après son arrestation, Éléonore se pend dans sa cellule. Elle a déchiré sa chemise pour confectionner une sorte de corde qu'elle a accrochée à l'espagnolette de l'unique fenêtre. Désespérée, Éléonore a quitté ce monde et l'espionne Lola est morte avec elle, morte d'avoir été trahie. Le récit de M. X correspond en tout point à ce que nous pouvons savoir aujourd'hui de l'affaire Sutherlin. Il me faut toutefois ajouter que le séducteur Heinz Sutherlin, lui, s'en est plutôt bien sorti. En effet, arrêté en même temps qu'Éléonore et sans manifester la moindre émotion quand il a appris la mort de son épouse, il a été condamné à 7 ans de prison et libéré 4 ans plus tard. Entre-temps, il s'était déjà trouvé une autre épouse, sans doute une femme qui a correspondu avec lui en prison. Un dernier élément concernant Sutherlin. Les Soviétiques, ayant proposé aux Allemands de l'échanger contre un espion arrêté à l'Est, Sutherlin a refusé et a préféré rester à l'Ouest, ce qui en dit long sur ses prétendues convictions communistes. Autre chose plus importante, ce fameux réseau, beaucoup plus conséquent, auquel a fait allusion M. X. J'ai d'abord noté qu'Éléonore Sutherlin, modeste secrétaire au ministère des Affaires étrangères, était très liée au ministre de la Défense de l'époque, le bavarois Franz Josef Strauss, un homme politique ultra-conservateur, mais qui, curieusement, entretenait des rapports étroits avec les pays de l'Est. Je n'en dirai pas plus. Dernier point. Dans le livre des écrivains Hermann Zolling et Heinz Hoehn, consacré au chef de l'espionnage allemand Gehlen, j'ai relevé qu'en 1968, donc peu de temps après la défection de Runge, une étrange épidémie de suicide a secoué l'Allemagne fédérale. C'est d'abord Wendland, le numéro 2 du BND, le service de renseignement, qui se donne la mort. Le même jour, le contre-amiral Luttke se tue d'un coup de revolver. Puis, peu de temps après, un haut fonctionnaire du ministère de l'économie, Schenck, se pend. Le lendemain, une fonctionnaire du bureau de presse fédéral, Edeltraude Grappentin, avale des somnifères. 3 jours plus tard, un officier supérieur de l'état-major, Grimm, se suicide à son tour, suivi encore 3 jours plus tard par un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, Gerhard Böhm. Étrange série, vous en conviendrez. Ces hommes et cette femme, peut-être dénoncés par Runge, ont-ils été poussés au suicide? La question reste ouverte. À samedi pour un nouvel entretien avec M. X.